fallait que je vous dise que les jeunes d'aujourd'hui font partie de la génération des plus vicieux. Que Dieu nous pardonne, on fait pleurer nos darons, le monde de ton parent. On fait du mal à tous ceux que nous aimons. Pourquoi tant de haine et autant de trahison, tant de peine et trop de jeunes en prison. Chacun a sa part des fautes, tout le monde a son mal-être et on se rejette la faute. Même à jeun, on esquive toujours les cops. Ça préfère 300 heures de geôle que le coup de bâton du daron de Mandakovs. Plusieurs fois, j'ai été pris au piège dans des trucs qui me correspondent. Fallait que je vous dise qu'il faut qu'on se repentisse. Wesh les frères, quelle est votre devise? Tous pris au piège, le système nous baisse. Peu que l'on prêche, on rentre dans l'engrenage. Faut se saisir les frères, fallait que je vous dise qu'il faut qu'on se repentisse. Wesh les frères, quelle est votre devise? Tous pris au piège, le système nous baisse. Peu que l'on prêche, on rentre dans l'engrenage. Inconsciemment on prêche, certains confondent le halal et le haram. Ils se mangent un retour de flamme, la zombie, la haise, chaque chose a son prix. Et tout le monde l'a compris, wesh frère, qu'est-ce qui se passe? Y'a plus de bien, plus de mal, vu que tout se ressemble, c'est du casse-mal. Je vais mettre un trou à tous ces bâtards, à tous ces jaloux, à tous ces ratailles. Ça sert à rien de parler, non non, ça sert à rien de parler. Une fois dans votre vie, une fois agissez, allez au bout de vos pensées. Basez-vous sur des choses qui resteront toujours vraies. Jour vrai. Fallait que je vous dise qu'il faut qu'on se repentisse. Wesh les frères, quelle est votre devise? Tous pris au piège, le système nous baisse. Peu que l'on prêche, on rentre dans l'engrenage. Faut se saisir les frères. Fallait que je vous dise qu'il faut qu'on se repentisse. Wesh les frères, quelle est votre devise?